Chapitre 205. L'incitation à accomplir le witr, qui est une sunna fortement recommandée, et l'indication de son moment. 1132. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit: la prière du witr n'est pas imposée comme la prière obligatoire, mais c'est une tradition établie par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a dit: Allah est unique, witr, littéralement impair, et il aime ce qui est impair. Alors, clôturez vos prières nocturnes par le witr, ô gens du Coran. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 1133. D'après Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accomplissait la prière du witr soit au début, soit au milieu, soit à la fin de la nuit, mais toujours avant l'aube. Al-Bukhari et Muslim. 1134. Selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: clôturez vos prières nocturnes par le witr. Al-Bukhari et Muslim. 1135. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: accomplissez le witr avant l'aube. Muslim. 1136. Aïcha rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, veillait en prière la nuit alors qu'elle dormait, allongée devant lui. Quand il ne lui restait plus que le witr, il la réveillait pour qu'elle l'accomplisse également. Muslim. Dans une autre version de Muslim, quand il ne lui restait plus que le witr, il lui disait: ô Aïcha, lève-toi et accomplis le witr. 1137. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: dépêchez-vous d'accomplir la prière du witr avant que l'aube ne vous surprenne. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1138. D'après Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: que celui qui craint de ne pouvoir se lever à la fin de la nuit fasse le witr à son début. Par contre, que celui qui a bon espoir de se lever à la fin de la nuit sache qu'il est préférable de l'accomplir à ce moment, car la prière en fin de nuit a des témoins, des anges. Muslim.